C'est un début, bonjour. Salut. Moi, que... je suis comme gêné. Je ben sais pas la caméra regarder. Fuck. C'est comme à la TV. Hein. Oh, il y a comme trop de caméras. C'est mieux que tout le monde. Quand on a chacun notre caméra. Hein. Ouais. C'est génial, ça. C'est cool. Fait que, Krim, grosse journée. Et ouais. Il y a beaucoup de changements depuis la dernière fois. On a amélioré un peu notre setup. Ouais. On va essayer de voir ce que ça va donner. Là, on n'est plus live sur Facebook. Facebook. Sur YouTube. On est toujours live sur Periscope. Ouais, sur Periscope. Ça va être différent. Là. Ça va être, comme à chaque fois, au début, on est un peu nerveux. Ouais, c'est ça. C'est comme à qui qu'on parle. Aux gens qui ne nous regardent pas. Ouais. Oui, je parle à vous. Fait que, écoute, plein de choses aujourd'hui. Moi, j'ai reçu deux nouvelles bébelles par la poste. Du beau unboxing du Québec. Mais oui, en français, s'il vous plaît. Puis sinon. Il y a le keynote de Tesla demain pour le Model 3. Ouais. T'as-tu vu les leaks passer sur le net? Non. Non, j'en ai vu. J'ai comme vu ça passer sur Twitter. Là. Ouais, chaud de ben, pas l'image du char, mais okay. Un peu les spécifications. OK. Puis ça a l'air pas mal intéressant. Ça me donne quasiment le goût de me lever de bonne heure demain pour aller mettre le 1000$ sur. Ben, il y a un d'autre qui est déjà à Vancouver. Là. T'as-tu vu le premier gars qui est allé se mettre en file devant... Il ben, y en a un... déjà là, à Montréal. Il y en a deux tentes là, matin. Là. Ah ouais? C'est qui sont là, là depuis hier, là, qui attendent. Tesla? C'était de oui, ça comme j'ai vu ça passer sur Twitter. Un petit unveil là, de... T'sais, la photo du char sous le drap. Là, ouais, ouais. Prêt pour demain. OK. Mais ben, ce que j'ai pu lire, c'est que... Le char, par exemple, là, il va partir, oui, à 35 000 US de base. Ouais. Mais ils vont peut-être monter jusqu'à 50-60 000 US pour le modèle full equip. Avec des options. Ben, ouais, c'est ça, la fonction 4 roues motrices avec okay. Dual Motor, ouais, ouais. Dual Motors. Là. Il va y avoir aussi l'autopilote de disponible. Mais c'est passé ça, rendu à 60 000 US, c'est quasiment pas mal le modèle S de base. C'est plus un char consumer. Là. Mais à 35 000, j'ai hâte de voir ce qu'il va y avoir vraiment à 35 000 ouais, c'est de base. Mais ça reste quand même. J'ai hâte de voir comparer aux autres voitures électriques. Là, ouais, ben, y a pas mal qui arrivent sur le marché. Ouais. Lui, il arrive en 2017. Il y a un gars tout à l'heure, j'étais au centre d'achat, il y avait un Volt. Ok, ouais. Et j'étais à côté, je checkais de quoi dans mon auto, puis son char a reculé. J'ai dit, calé, qu'est-ce que c'est ça? J'ai regardé la marque du char, ça fait pas de bruit. Ben ça, c'est un range extender. C'est un véhicule électrique avec une génératrice. OK. Fait que, quand il n'y a plus de batterie, la génératrice repart. OK. Pis, OK. Quand même cool. Ouais. Ben ça a l'air pas pire comme petit véhicule. Puis le nouveau modèle, il est quand même très beau. Ben, c'est Chevrolet, on dirait qu'ils sont en train de prendre pas mal de terrain. Puis Hyundai, supposément. Ils s'en viennent? Ouais, avec la... Je ne sais plus du nom. Là. C'est un nouveau modèle. Ils ont sorti la Ioniq. OK. Ouais, la Hyundai Ioniq. Ils vont faire la version hybride branchable et complètement électrique. OK. Ouais. Ah, ça, c'est. Oui, c'est vrai. Je n'avais entendu parler de ça. Ça, c'est très cool, par exemple, en trois versions. Mais tu sais, Tesla, ça reste Tesla. T'sais. Ouais. Puis tu sais, leur branding, la façon qu'ils présentent le produit. Ouais. Je sais pas si tu as vu la bannière Evolve. Non. C'est Evolve, mais chaque E, c'est les trois lignes. Ah ouais, 3. Ok. C'est très beau, c'est très sensationnel. C'est une compagnie de technologie, c'est pas une compagnie de char, Tesla. On vit plus ça avec Apple c'était Apple, ça, là maintenant c'est rendu Tesla. Apple, fini les juste... keynotes, le fun, les nouveaux produits même, le nouveau iPad c'est un iPad qui existait déjà, le nouveau iPhone c'était un iPhone qui existait déjà. Oui, c'est pas ridicule c'est le nouveau iPhone. Poche. N'importe quoi. C'est le poche. De ressortir l'ancien modèle avec les ouais. Nouveaux specs. Ouais. En gros, il leur restait une gang de 5S. Là, fait qu'ils ont dit qu'est-ce qu'on peut bien faire avec ça. Johnny Ive, il était même pas là au keynote. Non, juste pour te dire à quel point il a rien. J'ai même pas regardé. J'ai regardé un peu ce qu'il se disait sur Twitter. J'aime bien gros suivre sur Twitter. Puis c'était vraiment juste. Tu sais, il y avait une petite section environnement. Ouais. Il y avait le iPad Pro Junior. Puis il y avait le 5. Non, c'est même pas un 5S. C'est le 5S. C'est, non, c'est iPhone SE. Ouais. Special pas... Edition. C'est poche. Je trouve que c'était le plus beau modèle d'iPhone qu'ils ont fait. C'est ouais. Quand même pas triste qu'ils gardent ce modèle-là. Mais... Il était pas obligé de le faire en rose cher. Gold, par exemple. Ouais. C'est cher au Canada. Ce téléphone-là, il est pas le fun. Non, c'est vrai. Je sais pas, il est comme à 719$ pour le modèle de base avec le taux de change. Je m'en souviens pas. T'sais, c'est ridicule. Là. Oui, il est 400$ US. Là. Ouais. On se fait avoir avec le taux de change ici. Ouais, c'est rendu ridicule le taux de change. Ouais. Mais bon. Mais j'ai bien hâte à voir. J'ai bien hâte à demain. J'ai hâte de voir ça. Ouais. C'est juste plate que tu sais, pour avoir le premier batch de char. Faut que tu fasses un dépôt de 1000$. Puis même encore, moi j'ai checké la distribution des modèles 3, comment ça va fonctionner. Okay. Ils commencent, les employés Tesla, ils ont priorité. Ensuite de ça, ceux qui ont déjà une Tesla passent en deuxième. Ensuite de ça, c'est le reste du monde. Ils commencent aux États-Unis, West Coast vers la côte Est. Puis ensuite de ça, ça va être le reste du monde. Tranquillement. Parce que les autres, ils disent qu'il faut qu'on commence aux États-Unis. Puis ça fait, pour moi, ça fait du sens qu'ils commencent en Californie parce que. C'est de là que ça part. C'est de là que ça part, premièrement. Deuxièmement, c'est la Californie. Aux États-Unis, l'État de la Californie, c'est eux autres qui ont les normes les plus sévères en termes de voitures. Ouais. Fait que s'ils partent de la Californie, déjà là, ils s'adaptent à tous les autres marchés des États américains. Puis ensuite de ça, il faut qu'ils fassent. Approuver leur voiture dans tous les autres pays. Fait que pendant qu'ils vendent leurs choses aux États-Unis, ils envoient les affaires ailleurs pour que les choses soient approuvées. Fait que, ça, c'est long. Là. Non, c'est triste aussi de savoir qu'il y en a une gang de ces modèles 3-là qui vont se faire scraper. Avec plus de 10, 15 chars. Ouais. Mais c'est ça triste. Prend ça pour qu'on puisse être en santé dedans si on pogne un accident. Tu sais, je pense qu'ils savent ce qu'ils font. T'sais. Ouais. Tu sais, de là à vouloir couper les coins ronds, je pense pas que c'est dans leur intérêt. Pis... Non, sauf que c'est des affaires, faut pas prendre de risques. C'est comme des médicaments. Tu sais, tu dis, bon, c'est-tu vraiment dans l'intérêt d'une compagnie pharmaceutique de vendre un poison? Non, ils font pareil, oui, parce que des fois, ils réussissent à... Ils te payent 3-4 000 pour une semaine à te faire tester comme un rat de laboratoire. Ouais. Parce que des fois, ils ont des amis dans la FDA aux États-Unis, puis ils leur donnent de l'argent, ils font du lobbying pour passer un médicament. Ils le retirent 10 ans plus tard en disant que ça fait mourir les gens prématurément. C'est pire aux States pour ça, pour les médicaments. Ouais. C'est juste la publicité des médicaments qu'il y a. Là, c'est fou. Là. Je suis en Floride, là, tu sais, 5 sucres. N'en achetez pas. C'est drôle, tu sais, je me rappelle juste de ça. Ouais. Ouais, c'est très drôle. Bon. J'ai hâte à demain. Ouais. Ça, je vais le regarder. Ça, j'ai hâte. Ouais, moi, Apple, là, on dirait que je m'attendais pas à grand-chose. Puis, as-tu vu le prix du iPad Junior? Je sais que c'est l'iPad Pro 9.7, là, ouais. Mais... Non, c'est absurde. Hey, c'est 900$. Mais écoute, je m'étais dit... Tu sais, ce nouveau modèle, ça va être cool. Je vais vendre mon ancien pour pouvoir m'acheter. Je vais peut-être avoir une petite différence 150-200$. Non, c'est 400-500$. Tu peux en acheter deux iPad Air à ce prix-là. Ouais, mais pour moi, ce qui me dérange le plus, je te dirais, c'est l'espèce de smart connector qui est en dessous. Ouais. Ils disent, Crime, c'est hot, il y a cette technologie-là. Fuck you, si ton clavier, il vaut 150-200$. Non, c'est ridicule. Il n'y a rien qui vient avec. Non. Tu sais, je ne sais même pas s'ils livrent encore des écouteurs avec l'iPad. Moi, quand j'ai acheté mon iPad 2, j'avais une paire d'écouteurs. J'avais pas d'écouteurs, moi. Ouais. Quand je l'ai acheté, j'avais des écouteurs qu'il n'avait. Okay. Non, il n'y a plus d'écouteurs. T'as juste ça avec les iPhones, l'iPod. C'est absurde. Ouais. Complètement absurde. L'iPod, c'est logique. Ouais. Mais non, c'est ça, c'est iPad. J'ai goûte, il n'y a rien qui vient avec. Parce que là, tu sais, quand t'as dit, je sais même pas si ça vient des écouteurs, je pensais que si on t'enlevait la prise d'écouteurs déjà, non. Mais je suis surpris que ça vienne plus avec de. Ça vient plus que rien. Ils te disent, regarde, on a. T'as un bloc d'alimentation, un on te charge plus cher pour la technologie qu'il y a dedans, mais t'as rien avec. Faut tout que t'achètes à part. T'as 3 speakers de plus, puis un connecteur intelligent pour ton smart cover. Tu peux acheter un cover. Check, j'ai été avec ma nièce il y a 2 semaines, je pense, il a acheté un cover pour son iPad 2. Elle a encore un iPad 2. Puis c'est une affaire Bluetooth. Écoute, ça coûte 129$. À la place, on lui a acheté un clavier Apple. Ouais. Coûte moins cher. Moins, même prix. Puis il va, parce que là, il faut que tu achètes le cover qui fit avec ton iPad. Okay. Dans 3 ans, tu achètes un nouveau iPad. Ta bébelle à 130$, ça marche plus. Non. C'est ça qui est ridicule. Même du iPad Air 1 ou iPad Air 2, c'est même plus le même cover. Mais non, c'est ça. Ça ne fit plus. C'est... Je sais que je me suis fait avoir. Parce que j'ai acheté des covers aux alleuses au Target. Parce que moi, j'ai acheté pendant qu'ils fermaient le Target. que j'ai pu sauver quelques dollars avec ça. Puis il y avait des covers à 20$, mais c'est des iPad Air 1. Tu sais, on s'est dit, bon, ça doit être pareil. Mais non, on se dit, les trous sont même pas à bonne place, la caméra, ben, même pas à même place. Puis sur l'Air 2, il n'y a plus la switch pour muter. Là. Ah non? T'as plus rien, là. T'as ton piton de volume, puis ton on off en haut. Ah ouais? Ouais? Ok. Non, ils ont tout coupé ça. Que... C'est bon. Je suis surpris. Okay. C'est ça, tu sais, on a acheté ça 20$, mais on n'a pas pu l'utiliser. Il marchait pas. Il a fallu acheter lui à 80$. Ma femme s'en a acheté un. Moi, je m'en ai acheté un. Tu sais, un cheap là, à 30$. Là. Je sais même pas si là, j'étais. Okay. Je sais pas quoi. Puis j'ai juste gossé le trou pour que ma caméra fonctionne. Puis ça marche bien. Là. Bon, pas de job. Je sais pas que c'est graphé. T'sais. Ben, c'est ça l'important. Ce qui se pète pas, ça le protège un peu. Si jamais tu veux la revendre, qu'il soit aimé. Ouais, ben là, je pense que je vais le garder. Puis au prix des iPads, là, c'est n'importe quoi. Ah, c'est pas intéressant. C'est ridicule. Il va falloir attendre le taux de change. Et... Ah, c'est merdique. Il soit plus cool que ça. Parce qu'il est vraiment à 900$, le pro, ouais. Hein, le petit pro. Ouais. C'est cher. Mais t'as-tu vu comment qu'il... T'as pas vu le keynote, hein? Mais non. quand il présente à la fin de la présentation du iPad Pro Junior, comme tu l'appelles, c'est que là, t'as le clavier pis tout ça, pis là, ils disent, ce iPad-là, un de nos publics cibles, c'est les gens qui ont des PC Windows ou whatever, pis qui veulent switcher à Apple. Ouais, mais ça remplace... Là, eux autres, ils disent, ça remplace un laptop. Pis quand ils finissent ça... C'est Phil Schiller qui a fait cette partie-là du keynote. Puis il a dit, c'est comme ça, nous autres, qu'on voit l'avenir du laptop. Tabarnak, ça... Je te voyons donc, si vous n'avez pas remplacé des laptops par des tablettes non, iOS... Ouais, c'est ça, mais OS X dessus, puis ouais, OK, les autres vont pouvoir remplacer. Là, à date, c'est une grosse tablette, c'est parce qu'une application, on s'entend que... Mais non, c'est ça. Tu peux même pas connecter le disque dur externe puis lire à partir du disque dur externe. Fait que ça te sert à quoi? Tu peux même pas travailler de façon intéressante à partir du cloud. Non, mais c'est ça. Tu sais que tu peux l'utiliser le cloud comme disque dur pour travailler de façon... Non, tu peux rien faire d'intéressant. Non. T'as pas de... T'as... commencer à faire du montage vidéo avec ça. C'est impossible. Ça se fait, mais il faut de l'espace. Ouais. T'as le 256, là, c'est ça. Pour avoir de l'allure un peu. Non, ça sinon, moi, j'embarque pas tout là-dedans. Non, c'est ridicule, c'est triste. Ouais, vraiment. Mais bon, parlant d'ordinateur, ben oui, de laptop, c'est le temps de faire l'ouverture de la boîte de mon... ma première affaire que j'ai reçue cette semaine, je me suis acheté sur Amazon un Chromebook Asus. Le modèle, c'est le C201. Écoute, il m'a coûté, taxe comprise, 300$. Sur Amazon.ca? Amazon.ca. OK, ouais. Quand même. Il est livré du Canada. Écoute, il est arrivé... ils me l'ont malé lundi, il est arrivé le mardi avec FedEx. Très, très cool. Fait que cette machine-là, ça a 4 GB de RAM, puis un disque dur de 16 GB. T'as une slot pour... J'ai trois prises USB après ça. J'ai une prise d'écouteur, j'ai un mini HDMI, puis j'ai une prise micro SD. OK. That's it, that's all. Fait que... Ouvrons. Ouvrons la boîte. Ben oui, c'est... je l'ai dans ma poche. Cool. C'est le fun des unboxings. C'est j'aime très cool. Ça. Juste que... OK. Oh shit. Elle est cool la boîte, pareil. On va côté. Non, on a des beaux packaging. Ouais, quand même. Mais tu sais, moi je check la boîte et je me dis, bon, à ce prix-là, c'est sûr qu'ils n'ont pas mis de couleur, ils n'ont pas mis de. Ouais, mais je trouve ça correct. Hein, tu sais, c'est ça. Puis tu sais, le fait que. Tu sais, il y a du. C'est bien fait. Ouais. Ils se sont donnés à peine. Là, c'est pas un couvert que tu lèves puis que. J'avoue. Mais je connais pas beaucoup les affaires Asus. Fait que tu sais, c'est comme ma première bébelle Asus que j'achète. Tu sais, qu'à l'intérieur, c'est quand même simple comme packaging. Là. C'est pas. Mais bon. Un bloc d'alimentation. Ils ont pris la peine de le mettre dans un petit plastique. Ouais, ils font tout ça maintenant. Pour vrai? Pas comme le graphique. Ouais, exactement. Pour montrer qu'il est neuf. Fait que on a. Oh. Quand même léger. Il est mince quand même. 11.6 pouces l'écran de ça. OK. C'est quand même pas pire. Ouais, pour la bouche. Quasiment dans les mêmes sphères que le MacBook. Mais ouais. C'est vrai, hein? Le MacBook, c'est 12 pouces. Les petits guides d'utilisateur. Mon beau PC. On nous dit comment le brancher. On a un petit papier pour la garantie. Etc. Ok. On passe à la machine en tant que telle. Oh shit. Quand même, il touche le feel. Ça n'a pas l'air cheap, moi, je trouve. Non, c'est cool. Top est en plastique. Il est plus beau que. Il est vraiment plus beau que certains que j'ai vus. Il y en a que c'était ridicule. Moi, j'étais allé les voir dans un magasin. Puis il y avait un Acer à côté. Puis le Acer, je trouvais qu'il y a tellement un look de plastique. Vraiment un look de plastique. Y avait-tu d'autres choix de couleurs que ça? Non. Quand j'ai acheté, c'était le seul. Le bleu. Ouais. Okay. Sourire de l'autre bord, on a le petit logo Chrome ici parce que c'est un Chromebook. Parce que les ordinateurs Windows, il n'y en a pas des pas chers de même. Il y en a à 400-500$, mais pas cher comme ça. Il y a eu une mode, v'là 7 ou 8 ans, écoute, c'était plus petit que ça. Là, c'était c'était minuscule. Moi, j'avais un compte dans la Banque Royale dans ce temps-là. Puis c'était marqué, si vous ouvrez un compte, vous pouvez en avoir un. J'ai appelé, j'ai déjà un compte. Elle m'a juste dit, il faut que vous activez telle option. Je l'ai activé, mais on a envoyé un par la poste. Je l'ai laissé dans la boîte, je l'ai vendu sur Kijiji, 400$, je pense. Ouais. Flambette. Ok. Le contour noir, il n'est pas la même couleur. Non, c'est cool. La machine s'ouvre. Ah! Oh, regarde donc, il y a déjà une photo de bébé dessus. Ouais, c'est ça. Je sais pas. Mais avec un cheval. Hein. Moi, j'aime bien l'espèce de fini métal. Non, c'est très beau, là, sérieusement, c'est un beau look. Là, c'est sûr que ça copie un petit peu le Mac. Ouais. Si on regarde un avec l'autre, c'est très très semblable. C'est pas mal. C'est rendu des standards à copier. Là, t'sais. Mais le trackpad, il est petit. Es-tu multitouch? Oui, je peux l'utiliser juste en tapant. Sauf que quand je veux déplacer des trucs, il me semble que j'avais. Faut que tu pèses d'un doigt, tu déplaces avec l'autre doigt. Là, ça, c'est un peu fatigant. Tu sais, quand tu clips, c'est pas premium comme. C'est pas. Non. Mais c'est 300$. Ce qui est vraiment, vraiment pas cher. Puis je t'avouerais que. Mais là, tu vas utiliser. Les fameuses applications web de Google. Ouais. Non, je t'explique pourquoi. Parce que moi, je suis 100% Apple dans toutes mes affaires. Moi, je l'ai acheté au départ parce que je voulais utiliser Google. Ils ont une application que bureau à distance dans Chrome qui me permet de contrôler mon ordinateur à distance. C'était ça mon but. Parce que le mien, il est pogné après la TV, puis c'est un vieux Mac Mini. Là. Fait que je vais l'essayer. Puis, sinon, je peux tout utiliser mes affaires à iCloud, puis tout ça. Tu vas dans iCloud.com, j'ai tous mes documents, j'ai mes rappels, j'ai mes calendriers, tout ça. Là-dessus, dans Chrome, je peux installer Sunrise. Fait que ce soit des calendriers iCloud, des calendriers Google, tout mélangé, tout se synchronise dans Sunrise. La seule chose que j'ai remarqué, moi, le service de Google, qui est plus efficace que le service d'Apple, c'est Google Photos. Moi, je l'ai sur mon téléphone. J'ai les photos de. C'est bon? Oui. OK. Moi, j'ai les deux sur mon téléphone. J'ai Google Photos, évidemment, j'ai les photos de Apple. C'est juste l'affaire, la différence, c'est que Google Photos, il upload plus vite. Si je m'en vais sur iCloud.com, t'as, mettons, là, je filme quelque chose, je prends une photo. Je m'en vais sur iCloud.com, je check, ma photo ne sera pas uploadée. Sur Google Photo, elle va être uploadée. Avec les mêmes settings, là. Les deux, ça upload juste si c'est sur le Wi-Fi. OK. Tantôt, je me suis connecté sur Chrome, j'ai été checker mes photos Google, tout était là, ce que j'avais fait même aujourd'hui. OK. Après ça, j'étais à iCloud.com, il me montre les photos sur lesquelles que j'avais la dernière fois que je m'étais connecté. OK. Puis là, à partir de là, il va loader les photos depuis ce temps-là qui se sont faites. Je fais, on donne le temps. Tu sais, c'est pas... aussi instantané. Non. Fait que je te dirais que pour ce qui est du cloud, là, Google est vraiment supérieur de gens ouais. partant. Sinon. Ils font pas mal de l'argent avec nos données. Ouais. Ils peuvent se payer des bons serveurs. Ouais. Sinon, ce qui est cool, Google, il te donne 100 gigs de Google Drive pendant 2 ans quand t'as un Chromebook. C'est gratuit. Il te show de ça. 3 mois d'abonnement à Google Music que j'ai activé parce que. Pour le fun. Okay. Pour l'essayer. Je t'avoue que l'interface, je la trouve vraiment en poche. Moi aussi, je trouve ça poche, là, même sur mon application. J'étais j'adorais Songza, puis ils ont comme racheté, puis c'est rendu sur, sur Google Play, puis c'est pas pareil. Il y a des pubs à chaque 3 tunes, ah, des pubs gossantes. C'est pas des pubs qui m'intéressent du tout, au moins. Okay. T'sais, Google, t'as toutes mes informations sur moi, là. Tu sais tout ce que je fais. Là. Pourquoi tu me mets des pubs de service de bénévolat du Nevada? Sinon, c'est quoi l'autre affaire? Moi, je trouve ça dur à setter, cette affaire-là. Le clavier n'est pas standard. T'as pas de Python Windows, de Python T'as pas de Python F en haut. Ok, t'as des options pour le faire. Je me souviens pas c'est quoi. C'est contrôle. Je me souviens pas c'est quoi, ok? Puis le Python, là, le cap lock, ici, là, qu'on est habitué de mettre le majuscule, là, c'est le Python c'est search. Ça, c'est une option que tu peux arranger. Moi, je l'ai arrangé pour le mettre en cap lock parce que c'est trop de gossage. Puis là, j'ai mis mon clavier en français canadien. Fait que là, tous les trucs en haut ici, là, commercial, tout ça, ils étaient pas là. OK. J'ai gossé, cherché. À un moment donné, j'ai découvert. Faut que tu fasses CTRL ALT 2 pour avoir ton. Ça marchait ton pas. Hein? Non. L'affaire que j'ai découvert. Coupé. Je m'excuse. Non, c'est l'affaire que j'ai découvert, c'est que c'est en mettant le clavier en canadien multilingue. Oh, ben oui. Écoute, c'était aussi con que ça. Mais ça ouais, marche. Parce que t'as quand même tes accents et t'as toutes tes affaires anglophones. T'es nu? Ouais. Fait que c'est ça, le gros mystère de la patente. Mais sinon, écoute, je suis encore en train d'explorer qu'est-ce que je peux faire avec cette babelle-là, à part écouter Netflix. Mais tu peux tout faire, tu sais, avec Google Drive, il y a toute la suite quasiment Office ouais. avec ça. Tu as des logiciels comme Snapseed, tu l'as là-dessus. Ah, tu ouais, peux y citer tes photos beau. Là-dessus, ouais. Ah, ouais. Mais ça appartient à Google, Snapseed. Ah, c'est vrai. Je sais même pas si t'as des logiciels de montage vidéo, mais t'as des tous les jeux cellulaires. J'en ai vu des trucs de montage vidéo. En application? En application Chrome. Web. En application Chrome. Okay. Sauf que c'est gratuit. T'as le droit à une vidéo de 5 minutes avec des marques dessus. Puis sinon, faut que tu payes. Puis écoute, les commentaires étaient tellement négatifs. Là, j'essaye pas ça. Sinon, l'affaire que je trouve intéressante, c'est l'intégration de PayPal comme mode de paiement. Ça a l'air banal, là, mais quand je me suis inscrit à Apple Music, ils me demandaient quel mode de paiement je voulais, il y avait PayPal. OK. C'est toujours ça, bien facile, PayPal. T'as juste à te souvenir de ton mot de passe. Plutôt que rentrer ton numéro de carte de crédit. J'ai jamais aidé là-dessus. Non? Ben, Google, il garde en mémoire ton numéro de carte de crédit. Tu peux le rentrer, mais il y a un système de qui garde ton numéro de carte de crédit. Fait que tu as juste à mettre ton code de sécurité après. OK. Mais c'est supposé être protégé. À date, j'ai jamais eu de problème. Ça fait 2-3 ans que je m'en sers pour commander mes affaires sur Amazon. Fait que quand tu arrives au bout de ta carte de crédit, tu as juste à double-cliquer sur où il faut que tu rentres, puis ça rentre automatiquement. Ah, ouais, tu vois des cool, étoiles, tes 4 derniers chiffres, puis. Ouais. C'est très cool. Mais sinon, bref. Il va falloir que je la teste un peu plus en profondeur, la machine, mais jusqu'à date, je l'aime bien. Le format, je l'aime bien. C'est pas une brique, t'sais, quand tu regardes ça, c'est un petit ordinateur. Non, c'est vraiment cool, parce qu'il y en a, j'ai vu, crème, t'sais, je me dis, c'est un Chromecast. Il y a un Chromebook, excuse, un Chromecast. Je tombe de ouais. Non, c'est un Chromebook, mais il y en a, écoute, c'était un pouce d'épais, là, puis c'était pas beau. Je me dis, crème, forcez-vous un peu. Mais c'est ça plus mince. Il y a rien là-dedans. Ben, c'est ça, là. Donc, un disque dur flash de 16 gigs. C'est ça, t'as de la batterie, le reste. Mais, ah, le sais-tu, j'ai vu, en parlant de. Quand j'ai eu l'idée d'un Chromebook, j'ai vu un article sur Asus. Ils sortent un nouvel ordinateur. Tu vois, ça, c'est le C201. Ils sortent le C202. Que leur public cible, c'est vraiment les étudiants. Okay. Puis les écoles, puis tout ça. Ça aussi, c'est un Chromebook, mais écoute, il est tellement facile à réparer qu'ils en ont envoyé une copie à iFixit directement. Okay. Pour leur dire, démontez-le, puis dites-nous ce que vous en pensez. Puis moi, j'ai checké ça là tout de suite quand je l'ai reçu. C'est, écoute, c'est des vis étoiles, puis vis normales. Je suis pas mal sûr, je l'ai pas démonté. J'ai pas l'intérêt d'aller le démonter, mais pas mal sûr que c'est super facile à démonter puis à réparer. S'il y a quoi qui chie là-dedans, tu le démontes, tu le répares, puis c'est ça qui est le fun. Et puis c'est pas cher. Puis tu peux le réparer. C'est 300$ versus un ordinateur, un MacBook à 2000$, que si jamais il y a quelque chose qui pète, c'est poubelle. Même eux autres, ils peuvent pas décoller leur colle. Ouais. La batterie est morte, elle est morte. Là, il était bien avec les pros, au moins tu pouvais les démonter. Lui, tu sais, j'ai un Air, là, c'est lui qui me filme en ce moment. Là, puis, ben depuis, tu peux pas démonter grand chose là-dessus. Là. Depuis les MacBook Pro écran Retina, tu peux plus enlever la batterie. Là. Ah ouais, tu peux plus. Non, écran Retina, là, les autres, ils ont vraiment fait un rack de batteries, c'est plusieurs batteries en série, puis c'est collé là. Quand ça a sorti, c'est là que ça a été le gros scandale des batteries. Là. Chez Apple, c'est comme, c'est fini, là, c'est collé là. Si t'arraches ça, t'arraches le motherboard, t'arraches tout. Fait que, plus rien à faire avec ça. Est-ce que c'est encore le fun d'Apple, tu sais? Non, mais tu sais. Ils sont beaux. C'est ça, ils font des très beaux produits, mais encore. Ils innovent, mais bon. On a-tu besoin de tant de minceur que ça? Supposément qu'avec les nouveaux processeurs Skylake, je pense qu'ils sont 30 ou 40% plus performants. Donc les nouveaux MacBooks qui devraient sortir cet été, logiquement, s'ils gardent la même épaisseur. Ben, à tantôt! Si les MacBooks gardent la même épaisseur, tu vas avoir 30 à 40% plus de temps de batterie. Okay. C'est sûr qu'Apple ne feront pas ça. Ils vont juste amincir l'ordi, enlever de la batterie. C'est un petit peu cave, là, mais bon. Hey, on va déballer ma deuxième bédelle parce que j'ai reçu j'ai vraiment hâte. J'ai fait des achats. Non, mais ça, c'est ma deuxième paire. Écoute, je n'avais fait une première que j'ai pas gardée. Non, pas la même. C'était une autre sur Amazon, mais elle a coûté 49$. C'est des écouteurs Bluetooth que j'ai reçus. Sans fil. Bluetooth sans fil. Puis, il avait l'air cool. Écoute, c'était des copies des écouteurs Beats. OK. Il filait cool, là. Il était pas let, mais le son il était mof, ça me gossait. Puis tu sais, moi, c'est en majorité pour écouter la télé, pas tant pour écouter de la musique. Mais tu sais, quand ça sonne dans la main, c'est comme. Quand t'as juste des hautes fréquences, puis des mids, mais t'as pas de bass. J'avais juste des basses, puis des mids, mais t'as c'est pas ça. Fait que c'était pas assez défini comme son, ça me fatiguait. Mais. J'avais une bonne distance, je me suis promené, ça s'est synchronisé tout de suite. Avec l'Apple TV. C'était un Bluetooth assez direct, là, les lèvres quand t'écoutes de quoi. C'était assez hot. Bluetooth que tu te regardes, t'as un délai de 2 secondes. Non, c'est ça. Fait que tu sais, là, vu que j'ai trouvé le marque, je suis retourné chez Amazon. Je n'ai commandé un autre paire. Eux autres, c'est la marque, c'est Bluedio. J'ai lu des reviews, supposé que le son est crisp et tout ça, j'ai hâte de les essayer. Ils sont beaux, j'ai vu un gars qui a reviewé comment les écouteurs sont solides. 40 heures d'autonomie de batterie. Quand même. Fait que, comme il y a un gars qui disait dans son review, il dit, tu sais, c'est cool, mais c'est pas cool en même temps, parce qu'à un moment donné, tu le gardes tellement longtemps que tu sais plus quand le recharger, puis t'es pogné dans le métro, à un moment donné, tes écouteurs aident à marcher. Ouais. Comme tout bon écouteur, c'est supposé avoir un film, mais bon, on va voir. Ouais, pour te courir. Cool. C'est pas ça à la caisse dans l'instant. Luc, ben, c'est dit que non. C'est débile. Hey, tu vois, j'étais bien content de ne pas l'avoir fait avec l'autre paire parce que j'aurais pas pu y retourner. Une boîte dans Amazon, c'était génial. C'était que c'est plate pour les commerces locaux, mais bon. Bluedio Turbine Hurricane. La version plus, les T2 plus, c'est la version avec le micro pour parler au téléphone. S'il y en a, moi j'ai commandé cette version-là, je sais jamais pourquoi je veux. Ouais, FaceTime, mon père. Non, t'as pas de caméra. Fait que t'as le petit tag, ça j'avais vu ça dans le review, le petit tag Bluedio ici qui veut dire que c'est des vrais. Le seal est pas coupé. C'est ce qu'on va remédier. Suite. C'est une affaire de Chine, hein? Puis c'est pas mal écran chinois, mais l'autre, ce qu'il disait, c'est que c'est vraiment une nouvelle compagnie là, qui est d'affaires pas chères, qui a surgi de nulle part, là, qui ont profité de l'engouement pour les trucs Bluetooth, puis qui ont dit, nous autres, on a une bonne technologie, puis vu qu'on est en Chine, on charge pas cher. Mais la Chine, ils font quand même des produits très bon marché, mais surprenants des fois. T'sais. Quand même. Tu vois, les autres, ils disent Unrivaled Powerful Bass. J'ai bien hâte de voir ça. Quand même. Ah, c'est cool. Puis, ouais, ils se ramènent. Ouais, c'est, ils sont quand même beaux. Ils font plusieurs couleurs. Hein. Il y en a des blancs, des bleus, des rouges. T'as pas pris blanc? Mais non. Moi, je suis arrivé avec des beaux petits écouteurs blancs. T'es cool, hein? Dans le métro. Là. C'est assez simple comme emballage, mais. Quand même. Quand même. Touche à ça. C'est quand même. Ils sont quand même cool. C'est surprenant. C'est le fait qu'ils soient bons dans le même pour le transport. C'est, ouais, c'est. J'avoue que. Sont-elles chargées? Je sais pas. Moi, ça me gosse toujours de savoir qu'est-ce qui est à droite, qu'est-ce qui est à gauche. J'aime bien avoir le bon écouteur du bon bord. Il y a une lettre, j'ai vu. Ok, left. Ok. Fait que mais même sur le côté, il me semble que c'est écrit en right. À l'extérieur. Ah ouais? Tu peux-tu? Hi-Fi, non, ok, c'est juste Hi-Fi et de fond. Hi-Fi. Et puis? Ça cache bien le son. Ouais, tu m'entends ouais. Plus. Ça, je t'entends, fait, mais c'est moins fort qu'avant. Ils sont quand même confortables. Après plusieurs heures, peut-être moins. Mais... peut-être, ouais. Mais je te dis. As-tu une prise auxiliaire pour mettre un fil dessus? Oui, tu vois ça? Oui, j'ai ça en dessous. En fait, je vais avoir le fil. Ah, ben ici, oui. Tu vas faire me charger ton volume. C'est le ça. Power, tu peux mettre une carte, même une micro SD dedans. C'est hot, pareil, hein? Ouais. C'est bien. Mais tu sais, j'ai une micro USB pour charger. Fil audio. C'est bizarre, un fil audio. Je peux pas parler qu'un fil de même. D'habitude, il y a trois lignes quand le micro non, fonctionne. Le micro doit être intégré dans la tête. Dans ce soit, il est ici. Ok. Micro. Ok. Mais quand quelqu'un m'appelle puis je suis branché avec ça. Ça se pourrait que ça marche pas. Ouais, hein, c'est ça. Driver. C'est un petit peu weird. Ok, ils sont des crèmes bien. C'est en chinois ça. En chinois de chez chinois, puis en super petit. Il y a des lunettes pour les. My god. Mode d'emploi, Bluetooth 4.1 casque. Faites attention aux règles ci-dessous, ils ont utilisé un écouteur. Ils ont-tu du jus? Pas l'air. Shit. Ah! Oui, mais power ouais. On! Petite lumière. Qu'est-ce qu'on va passer les synchroniser dessus? Un piton synchronisé. Oh, man. Perçu, mode d'appairement. Pressez longuement sur le bouton multifonction. What the fuck est de multifonction? J'ai scan puis mode. Man. Bouton scan, bouton multifonction. On n'a même pas regardé s'il y avait du monde sur. Sur Periscope? Ouais, il y a personne. Il y a personne. Non, je vais essayer de synchroniser ça. Mais hey, écoute, c'est en son hot, là. Je suis vraiment content de mon achat. J'aurais dû acheter ceux-là en premier. 42$. Bon, c'est pour plus de temps. Ouais, fait que bref. C'est cool. Moi, les écouteurs. Parler. Tu veux plus parler? Non, quand je vous êtes désagréable. Ok. On déballera pas les circulaires. Hey, ça serait cool. Cette semaine chez Super C. C'est spécial. Je dis que le montage va durer 2 minutes. Hein? Deux minutes. Il y a beaucoup d'interférences. Ouais. Attends, là, pète pas mes écouteurs. Là, si on veut continuer dans le même registre de Google, ouais. Je t'ai montré de quoi tantôt, qui est quand même assez drôle. Là. Ouais. Parce que, tu sais, Google a eu une petite controverse avec Google Photos là, dernièrement, avec ouais. Les deux noirs qui se sont pris en photo, puis que Google l'a reconnu en tant que gorille. Parce que Google est capable de reconnaître facilement qu'est-ce que t'es ou qui t'es ouais. ou ce que t'es. Mais là, il y a quelqu'un qui a comme fait une recherche, je sais pas de quand ça date, mais ouais. quand tu fais une vérification « Three white teenagers » sur Google, photo, mais ça trouve des jeunes blancs avec des chandails Lacoste pastel, sont heureux avec des ballons. Puis si tu marques « Three black teenagers », mais c'est juste des mugshots de police. Des photos de prison. C'est atroce, là, c'est n'importe c'est quoi. C'est terrible. Parce que les Noirs n'ont pas le droit d'être heureux, c'est sûr, ils sont tout en prison, eux autres. C'est n'importe quoi, là. C'est... mais là, si vous voulez être plus coquin encore, là, mais si tu marques « Three Asian teenagers », c'est des... ça va être très drôle. C'est des petits Asiatiques en school. Il n'y a aucun garçon dans les 100 premières photos, là. Ben voyons. C'est juste des petits teen Asian en bikini. On va aller chercher tantôt. Super là. Stéréotypé. Il faut là. Vérifier voir si. Ouais. On a un ordinateur. Là. Mais oui. Maintenant. On va faire ça live. Live on the TV. Ah, un enfant. Sur ta tablette, là, tu pourrais télécharger Flip. F-I-L-P-P. Je l'ai déjà. Tu l'as déjà? J'utilise son. C'est pas vrai, elle aime pas ça. Elle les utilise jamais. Elle ment. Elle fait ça parce que t'es là. Elle veut déranger. Hey, il y a une petite affaire qui me rappelait. Petite affaire qui me rappelait d'Apple. Il y a plusieurs applications. Tu peux faire ça. Ça va super bien. Fait que tu disais Google Photo, hein? Ouais. C'était que c'était. Three white teenagers. Three white. Ben, je vais mettre une photo. Hein. Teenagers. Ouais, la photo que je t'ai envoyée, là. Dans Google Images. Ouais. Non, mais il faut vraiment que tu marques Tree. Ok. En lettres. T-H-R-E. Ok. T'as-tu marqué Teenagers? T'as marqué Teenagers. Bon, Teenagers. Teen. Ok. On a un jeune prisonnier ici. Ah. Oh, mais... on a trois filles ouais, mais sont pas white. Noires là, mais même là, elles sont là puis sont. Ah non, regarde, on a trois filles ici qui ont l'air d'avoir beaucoup de plaisir. Mais pourquoi ils font des signes de fusil? Des guns dans la tête, là, c'est ils mal. Des fusils. Mais ça c'est leur problème, c'est leur photo qui est de la merde. Ah. Mais sinon, elle est mugshot. Mais voyons donc. Ah, c'est les poches. On les voit pas. On voit rien. Hein. Non. L'écran, il faut que tu te places dans un certain angle. Ben moi, je vois très bien, genre, le ratio, mais je sais pas qu'on appelle ça. Le capillaire épais 600, 21,99 chérie. Zéro. Arrête. Hey, c'est vraiment super. Je pense qu'ils ont modifié l'algorithme déjà. Ouais. Mais si tu vas marquer « Three black teenagers », ça va changer le « white » pour « black ». J'ai hâte de voir ça. C'est mal. Non! Regarde ici! Ok, ouais, on a des gens qui ont réussi dans la vie. Ah, ouais, ben oui! On a des gens! Ils sont cool! Ils ont l'air d'un casier d'une prison, là, mais c'est pas la meilleure photo. C'est genre l'avocat avec le nom. Non, mais c'est mal, voyons donc. On dit, mais tu remarqueras que ceux qui ont du fun, c'est juste des filles. Ouais. Il n'y a pas de gars qui peut avoir de fun, malgré eux autres parce qu'ils jouent au basketball. Mais dans le cours de la prison. Non! Ouais, c'est ça! Ah non, c'est poche là. Mais moi, sinon, je vais essayer à Asian. Parce que. Pour la postérité. Là. Tu vas me garder quoi? Le dernier. Ouais, je vois, avec les Asiatiques, ça fonctionne. Ben là. C'est pas si pire, ils sont tous en bobette. Mais non, mais c'est correct. Ils ont du plaisir, eux autres. Ils se gardent au chaud. Qu'est-ce que t'as contre le plaisir? Non, mais quand il fait froid, là, tu sais, dans le nord, là, ouais. de Japon, là, c'est pas chaud, là. Ça, c'est mal. Qu'est-ce que c'est ça? J'ai même bobette. Ben oui. En X-Slash. C'est même pas vrai. Eh bien. Donc c'est pas mal ça. Ouais, mais je pensais. C'est... La dernière photo que j'ai vue, c'était plus coquin que ça. Je suis pas lié en disant coquin. Là. Attends, ma à moins que t'aies un filtre, toi. Non, j'ai pas de filtre. Non, moi c'est zéro filtre, j'en veux pas de ça. J'en veux pas de ça. Mais c'est très drôle. C'est. Ouais. Je t'avoue que c'est. C'est moins épique que de se faire traiter de goré, mais tu sais, ça montre si. Que ouais. Ça marche pas. Là. Si t'es asiatique, faut que tu sois jeune et coquine et en culotte. Tout à fait. Si t'es noir, faut que tu sois en prison. Et si t'es blanc, faut que t'aies l'air d'un esti de fraîchis avec ton Lacoste. Ouais, c'était quoi le nom Beverly Hills, 90. Ouais, mais c'est ça. Je sais pas quoi. Là. C'est comme si tous les jeunes adolescents américains vivaient dans des méga baraques comme dans Home Alone. Il était 72 dans cette maison. Ouais. Mais bon. C'est vrai. Mais non, c'est ridicule. Ouais. T'es bonne celle-là. Le Google. Fait qu'on va voir jusqu'à où que ça va se rendre cette controverse-là. Si ça va en faire une. Moi, c'est juste de quoi que j'ai vu passer sur la lunette. Je t'avoue, je l'ai même pas vu passer. Moi. Je check quand même mon Twitter assez souvent. C'est pas sur Twitter, c'est sur le Major. OK. C'est le partage d'images. Sinon, qu'est-ce qu'il y a dernièrement que j'ai vu? Je pense que ça a passé dans le beurre. Microsoft a fait un keynote hier. Vraiment bonne, ta joke. Ah, non, mais OK. Je pense hier ou avant-hier, ils ont fait un keynote software. Ah ben. Puis on... Ben, c'est ça. C'est... Ouais. Une nouvelle version. Tu sais, Microsoft s'est rendu genre la pétanque des ordinateurs. Mais moi... Quelqu'un, tu vois, tu sais. La pétanque des ordinateurs. Non, mais t'en regardes, mais tu sais, Apple, c'est genre UFC en ce moment. Ouais, là, tout le monde est comme content. Ils comprennent rien de ce qui se passe devant eux, mais ils trouvent ça cool. C'est frais, c'est jeune, c'est puissant. Microsoft, c'est la pétanque. T'sais, c'est le même personnage. Ouais. Un logiciel qui. Ah. Écoute, j'ai pas lu l'article au complet, mais ça commençait en disant, tu sais, c'est cool de voir les updates que Microsoft vont faire, mais ce qui a plus flashé du keynote, c'est ce qu'ils ont pas sorti dans leur software. Pareil qu'il manque un paquet d'affaires qu'ils ont pas fait, que tu sais, c'est que tout le monde s'attendait à ça, puis ils l'ont juste pas fait, puis ils en ont pas parlé. Je sais pas c'est quoi. Je l'ai pas lu. Je t'avoue que Windows... Sur leur Surface. Tu sais, moi, j'aime ça parler de bilingue de même. La Surface. Non, la Surface. La Surface. Ouais, mais je t'avoue... Je t'avoue que la Surface 4. Windows, c'est un système d'exploitation qui m'intéresse zéro. Je le trouve pas beau, je le trouve pas le fun. C'est beige. Ouais, c'est beige. T'sais, ils ont essayé de l'optimiser à Windows, mais c'est beige. C'est très beige. L'affaire, c'est que... C'est très tree white teenager. Mais tu peux pas, encore, je suis pas mal sûr que t'as un ordinateur, pis j'en ai pas, là, je parle pas en connaissance de cause, mais t'as un PC, pis à un moment donné, faut que t'ailles déliter tes hosties de DLL, pis tes patentes, que parce que à chaque maudite affaire que t'as, ça te prend un driver, ça te prend une nouvelle application qui fuck tout. Mais non, mais c'est quand même moins pire que c'était, là, t'sais, ouais. Pis tu sais, il y a des petits logiciels comme CCleaner qui aident beaucoup à... Ok. Cleaner ton ordinateur, toutes les cochonneries. Okay. C'est sûr que si tu fais du torrent, mais là, t'as toutes ces cochonneries-là, t'as tes trackers qui sont dans ton ordinateur, qu'il faut que tu delete une fois de temps en temps. C'est pas supposé être gros, mais si tu downloads beaucoup, même en ligne, ça va prendre de la place. Caro, tu savais-tu qu'on voit ton journal dans notre film quand tu tournes la page? Dans celui-là? Ouais. Pas dans lui? Non. Ni dans lui? Non. Je sais même pas si on me voit dans lui. En 1000 BTU, c'est bon. Ça veut rien dire. Ça dépend comment ce qu'ils jettent, tes BTU. Parce que tu peux avoir 30 000 BTU qui sont plus efficaces que ton 60 000 BTU. Comment tu fais pour le savoir avant d'acheter? En checkant comment ce qui est fait à l'intérieur. S'il est solide, si le gaz se propage bien. Tu parles d'un charcoal, là? Ouais. Ouais, c'est ça. Faut que les pièces soient bien faites. Si les pièces sont en fonte ou... ça va moindrement rouiller, ça se mettra pas bien. Là. C'est le meilleur pour propager, je sais pas pourquoi j'utilise ce verbe-là, pour distribuer la chaleur. Distribuer les flammes, mais c'est vraiment le stainless. tes trous vont tout le temps rester pareils. Fait que faut juste que ce soit fait en stainless? C'est mieux. Les grilles en stainless aussi, c'est moins d'entretien. Les grilles en fonte, ça garde plus sa chaleur. C'est parce que, c'est ça, tu sais, ils vont... Mais en stainless, c'est sûr que tu peux mettre dans le gazon, puis quand la rosée, après la rosée, ça se défait tout, là. T'as pas besoin de les frotter. Ils font ça chez elles. Ah, OK. J'ai jamais essayé ça. Ben moi, le mien est en stainless, mais tu sais, je le lave. Tu sais, je le pars à 500, je le lave à la brosse, puis là, il est clean. Nous, parce... on enlève le noir dessus. OK. Ben, c'est ça, les charcoals. Ben, les... Tu retiens ça? Non, tout à fait. C'est pour ça que je me suis pas cassé la tête, puis je me suis acheté un Napoléon. Ça fait 12, ça fait... Ça fait 10 ans que je l'ai maintenant, puis il est comme le premier jour. Top notch, moi. Mais t'as-tu payé? Ouais. Moi, c'était un Weber, j'aimerais avoir. Pas celui au charbon, celui à gaz. C'est comme une petite coquille beige. Écoute, il est vraiment cool. Mon beau-père, il a ça, lui. Mais il est comme 300-400$. Oh, ouais, genre... Mais oui. Mais bon. Ça, t'as ça toute ta vie. Mais la fête des mères sans pied. C'est très drôle que ta blonde veuille un charcoal. Puis moi, je m'en calisse. Mais oui, tant qu'à ça, moi j'aurais. Juste un MacBook, tu sais. Mais tant qu'à ça, je m'achèterais un Weber. Le seul problème, c'est que je le veux pas ici, tu m'en vais le faire voler. Mais non, mais tu peux le rentrer dedans. Mon beau-père le rentre dedans. Mais non, je pas de mais ouais, c'est clair. Man. On a une poussette, une coquille, une chaise vibrante. Ben là, il faut faire des choix dans la vie de bébé ou un charcoal. Mais ouais, quand je fais sécher mon linge, j'ai pas de place. Fait que je veux pas me le faire piquer. Fait que, tu sais, moi, ben, sincèrement, j'aurais m'acheté un charcoal à 60$ au Walmart, là. Tu t'offres un an. Ah, oh, ouais, c'est ça. Je suis content que je le mette. Ouais, mais c'est parce que s'il n'y a pas de BTU, notre viande, elle sera pas bonne. Mais, regarde, Caro, tu partiras ta viande là, t'iras finir dans le four. Après un an, tu vas comprendre qu'on avait un four pour une raison, c'était faire à manger. Mais moi, je veux. Non, moi, je suis content. Moi, je l'aime, mon charcoal. Moi, j'aime ça. Un steak dans le poêle ou un steak sur le charcoal. Ben, un steak dans un poêle de fonte, c'est bon. Dans une poêle Tefal, Teflon. Avec ben du beurre, c'est bon. C'est bien chaud, ta poêle. T'en fais pas de steak. Non. Ben, c'est tellement cher. Non, c'est ça. C'est ça qu'acheter un chico juste pour manger du steak. Ça revient cher, mais c'est pas grave, je veux ah, mais moi, je fais tout là-dessus sur mon charcoal. Là. Ah, ouais? Je fais mes légumes grillés. Tu sais, quand je fais ma guacamole, je fais griller mes avocats, mais tu sais, avec la peau, là, on garde la peau. Ouais. Parce que sinon, il n'y a plus d'avocats. Ça se désagrège. Mon poisson, tu sais, je me fais tremper des planches de cèdre, là, puis pendant une journée de temps, tu mets ton poisson là-dessus la veille. Je peux faire tourner mon rôti de porc, rôti de dinde, je peux faire un poulet. J'ai une affaire pour tourner, j'ai un brûleur dans le fond. Moi, c'est le gaz qui m'intéresse pas. Pourquoi? C'est aller gazer mon charcoal. Ben là, j'ai un poêle. Tu fais ça deux fois par été. Ouais, mais j'ai un poêle avec un rond induction justement parce que je trouve ça efficace côté énergétique. Ouais. Mais le gaz. Ma mère, là, elle habite à 5 minutes. Là. C'est facile d'attendre 8 heures. Tu sais, et faire comme, j'ai pas le temps. Là. Je peux pas aller à l'autre bout du monde avec les enfants. Ils sont couchés. Faut que j'aille une bonbonne. Tu vas chez ma mère. Elle a tout le temps une bonbonne. Mais non, tu vas chez ta mère. Tu fais cuire tes affaires dehors. Tu manges dehors. Puis tu reviens. T'en veux des solutions, moi t'en trouver. Ouais. Tu veux t'organiser, moi t'organiser. Est-ce que je t'organise? Organise-moi. Rembourse-moi après, ben. Pas celle-là. T'en voulais pas un autre? Ouais. Ouais? Ouais, qu'est-ce que tu vas faire? Mais là, j'ai pas mon check-up, t'as pas le droit d'avoir un autre. Mais genre, le droit, on a dit, c'est moi qui vais l'acheter. Ben, c'est ça, mon check-up, c'est pas le problème, c'est moi qui le paye. Ben, paye-les, utilise-les. Je canne de coupe live sur ben, gars. Ce podcast. Alors, la vraie, ça va être après, mais que ça soit fini. Rechicane. Tant que ça. Mais, c'est n'importe quoi. Je l'attends, Nasty. Fais donc attention. À qui tu parles? C'est un bon gars. Fais donc attention. T'en as pas souvent des mêmes. Ah, t'es trop gentil. Moi, il est une fille, là. On parle d'un gars qui m'a eu, là, tu sais. Comme collègue de travail. Malheureusement, il m'a encore, parce que je travaille encore là. Malheureusement. <C'est bon. coughs> On peut couper ça au montant, je veux pas me faire crisser dehors. Groupe champion. Ouais. Oh, ça, il va falloir que ça soit coupé. Faut pas dire de nom. Ben, faut pas dire de nom, mais par exemple, de dire de nom des noms des résidents, par exemple, sur Facebook, ça, c'est légal. Fuck, trop tard, on l'a dit live. Mais personne nous regarde. Ah, t'as raison. On sait, c'est quoi, c'est, ça reste pendant 16 jours, je pense, vidéo là-dessus? Non, je pense que c'est 48 heures. Ah ouais? Okay. En parlant de 48 heures, t'as-tu vu les nouveaux, la nouvelle... tu vas plus sur Beam, toi? Ça fait... Oh, ben j'ai vu l'update. Ouais. Là, maintenant, c'est 8 secondes. Maintenant, tu peux décider si ton vidéo est bon ou plus bon. Ouais. L'interface est complètement changée, bien plus cool qu'avant. Mais je sais pas à quel point que ça dit... ça... C'est ça. Mais ça, ouais, c'est l'électrique, par exemple. OK. Je cherche mes verbes. Je suis tellement pas bon en français quand j'essaie de faire mon show. Non, mais je trouve que ça, c'est pas la même direction qu'il voulait aller, tu sais. Là, c'est que tu peux faire un montage, quasiment, puis lui, il voulait que ça soit peu, tu sais. C'est vrai. Mais il n'y a plus l'air à travailler chez Ebay. Je sais pas. Mais c'est ça. Ben, je sais pas, là, il est à San Francisco. Ben, on parle de Casey, parce que je ne sais pas si tu le regardes encore. Écoute, ça fait un bout, j'ai pas écouté. J'ai vu qu'il y avait là, qu'il était rendu saison 2. Ouais, c'est cool. Ça. Mais j'ai écouté l'épisode 1. J'ai pas écouté les derniers épisodes de la saison 1. Je sais pas. Ça fait une couple de jours que j'ai pas suivi. C'était intense, ça, il a fait 365 vidéos. Ouais. Mais en plus, il y a des jours là-dedans qu'il en a fait 2. Ouais, c'est vrai, pareil. C'est fou. Mais bon. Puis nous autres, on est là, genre, à faire 1 vidéo. Ouais. C'est qu'on se force pas. Là. Ben, tu vas te forcer, toi, parce que tu vas faire le montage. Ouais. Ben moi, ça, j'aime ça faire ça. Ouais. Mmh. Moi, j'aimerais, c'est peut-être ça. Il est même pas propane. Mais Chris, il est électrique, celle-là. Barbecue portatif. Noir ou bleu. Portable propane grill. C'est pas le même. C'est pas le même, Caro. Available in black or blue. Ah, ben oui, c'est le même. Chariot portatif. Mais en calice. Je te dis qu'il est électrique, lui. Je l'ai déjà vu. Mais là, il te marque propane, il y en a un au propane, fait que c'est bien, non? Le Weber, là, Caro, là, celui-là, là, le portatif, là, il est gros comme ça. OK? Il est tout petit, là. On tu mets trois steaks là-dessus. Tu vas vouloir cuire quelque chose de plus. Maintenant, tu vas dire, hey, Marc, fais-moi des côtes levées. Je vais faire, OK! Oh! Mais t'en veux pas de chai cold? Chris, t'as qu'à en acheter un, je te dis un plus gros que ça. Mais celui-là, électrique. Tu sais, Yannick, comment c'est comme. Je l'ai magasiné, c'est l'électrique, c'est celui-là que je voulais, mais je le trouvais petit un peu. Il est électrique, ça chauffe. Il n'est pas marqué la capacité d'hamburger. Non, faut peut-être le voir. Ouais, 9. 9 hamburgers. 9 boulettes ou 9 hamburgers. Mais ça, ces affaires-là, c'est des petites tanks de propane que tu vis en arrière. Comme, ouais. Mais moi, je te dis qu'il est électrique. Ouais, ça, c'est des tanks vertes, là. Portatif. Ouais. Mais je te dis que y en a, celui qui monte là, c'est l'électrique. Mais il y en a un portatif aussi à gaz. Mais sinon, l'autre, il est plus gros que ça. C'est le même shape, mais il est plus gros. Mais Caro, ça, je le mets dehors 10 minutes, il va me le faire voler. Je te le jure. Si je restais en haut, là, en aurait un, pas ici. On verra. On va rendre là. Je vais dire une phrase que tu connais probablement bien, Caro. On va voir. Allô? C'est quoi ça? T'es allé chez qui? Chez Anne. T'as donné à manger avant le souper. C'est toi qui l'as demandé? Ouais. Parce que t'avais faim? Bon, ben c'est parfait. D'abord, la prochaine fois, tu partiras pas. Tu vas rester ici avec nous juste avant le souper. Puis tu vas attendre que le souper soit prêt. Wow. C'est fini. Bon. Ben là, on va arrêter ça, je pense. Je suis en shit. On a-tu parlé de tout ce qu'on voulait parler? Oui. Ouais. Le montage. Donc, c'est bien beau. On va arrêter ça là, puis on se reverra bon. Dans deux semaines. C'est bon. À la prochaine. C'était tellement quasi comparé à la dernière fois. Ça...